2. Conjugaison des verbes faire, dire et mettre. Faire. Je fais de la randonnée. Tu fais de la natation. Il fait du vélo. Elle fait du vélo. On fait du vélo. Nous faisons du foot. Vous faites du rugby. Ils font de l'escalade. Elles font de l'escalade. Dire. Je dis pas sûr. Tu dis non. Il dit je ne sais pas. Elle dit je ne sais pas. On dit je ne sais pas. Nous disons peut-être. Vous dites oui. Ils disent pas du tout. Elles disent pas du tout. Mettre. Je mets des lunettes. Tu mets une écharpe. Il met un chapeau. Elle met un chapeau. On met un chapeau. Nous mettons des gants. Vous mettez une ceinture. Ils mettent des pulls. Elles mettent des pulls.